Jean Bosco, Douiman. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. Nous sommes le 15 juin 2016. Une personne a été tuée hier la nuit dans un échange de tirs entre les forces de l'ordre et les hommes armés en commune Moussaga. Deux armes ont été saisies selon le chef de poste de la localité où ont eu lieu ces tirs. Reportage dès le début de ce journal. Et puis l'ultimatum lancé par le président Nkurunziza aux groupes armés de Mugamba de déposer les armes expire ce mercredi. Au début du mois, il leur avait donné 15 jours, faute de quoi les autorités utiliseraient la force. Après ces deux semaines, la police donne aujourd'hui un bilan de 4 criminels qui se sont rendus, une vingtaine de récalcitrants arrêtés, une dizaine d'autres encore recherchés, ainsi que des armes saisies. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, OLICOM, vient d'écrire au médiateur dans la crise burundaise pour lui exprimer ses inquiétudes par rapport au risque de dénaturation du dialogue inclusif entamé à Arusha par celui en cours au pays. Gabriel Ofiri fonde ses appréhensions sur ce qu'il appelle la volonté affichée du CNDD-FDD de s'éterniser au pouvoir. Vous l'entendrez. Et le ministre de l'Intérieur promet de réduire sensiblement le nombre de commerçants grossistes intervenant dans la commercialisation du sucre afin de contrôler facilement la redistribution de ces denrées devenues très rares alors qu'elle est produite localement. Notre correspondant en province de Karoussi nous en donnera une illustration. Voilà pour le sommaire. La radio de l'avenir. Le développement de tous ces titres, un jeune homme a été tué par balle. Les deux armes à feu ont été saisies dans la nuit de ce mardi en zone Moussaga de la commune urbaine de Mouha. Le chef de poste de la police à Moussaga indique que ce jeune homme tué est parmi les gens accusés d'être perturbateur de l'ordre public. Il allait montrer aux policiers une cache d'armes à Kinanira 2. En cours de route, ils se sont heurtés à un groupe d'hommes armés. Il y a eu échange de tirs qui ont coûté la vie à ce jeune homme qui était dans la main de la police, poursuit le chef de poste Moussaga. Le point avec Evariste Nzikobanyanga. Ce jeune homme tué par balle dans la nuit de ce mardi s'appelle Emmanuel Nahimana, originaire du quartier Dikoto de la zone Moussaga. Ce jeune, soupçonné d'être parmi ceux qui perturbent l'ordre public dans la zone de Moussaga, avait été arrêté au cours de la journée de ce mardi. Pendant les heures de la nuit, ce jeune homme aurait été sorti du cachot de la zone. Il avait accepté de coopérer avec les forces de sécurité pour aller leur montrer une cache d'armes à la 5e avenue du quartier Kinanira. Confirmé le chef de poste Moussaga au PP2, Manirambona Désiré, indique qu'arrivé à cette avenue, les forces de sécurité ont été accueillies par balles tirées par un groupe qui leur avait tendu une embuscade. Ils ont échangé de tirs au cours desquels celui qui allait les renseigner a succombé sur le champ. Côté forces de sécurité, pas de dégâts ni humains ni matériels, souligne le chef de poste Moussaga. Deux fusils de type Kalachnikov ont été saisis, un à la 5e avenue dans Kinanira 2, un autre au quartier Gasekebouye à la 1ère avenue. A rappeler qu'une personne féminine a été également tuée par balle dans la nuit de dimanche à lundi de la semaine en cours dans cette zone de Moussaga à la 3e avenue, cette fois-ci au quartier Gasekebouye. Les auteurs de cet assassinat n'ont pas été identifiés. Merci Évariste. 4 personnes se sont rendues, 26 arrêtées par les forces de sécurité durant ces 2 semaines dans 4 communes de la province de Bururi. C'est après l'ultimatum lancé par le président de la République lors de sa descente à Mugamba. La déclaration est celle du ministère de la Sécurité publique. Dans un point de presse animé ce mercredi, le porte-parole de la police a aussi parlé de 6 Kalachnikov et une grenade saisie lors de ces opérations. Pierre Ngourikiye a indiqué qu'une dizaine d'autres personnes qualifiées de criminelles sont toujours recherchées. 4 criminels de Burambi se sont rendus à l'administration et aux forces de l'ordre et ont remis un fusil de type Kalachnikov. 26 criminels ont été appréhendés par les forces de l'ordre. 6 à Burambi, 5 à Mugamba, 8 à Matana et 7 à Rumonge. 2 mineurs parmi ces arrêtés sont maintenant à liberté provisoire. 6 fusils de type Kalachnikov et une grenade ont été saisis. Quelques criminels récalcitrants et qui continuent à commettre des forfaits, comme le dernier assassinat de 2 personnes, la dernière embuscade de Nyagasasa et l'intimidation de la population, sont maintenant identifiés et recherchés. Il s'agit notamment pour Mugamba, Arakaza Prosper, alias Janvier et Badi, fils de Shabani, tous de la zone Nyagasasa, Niondiko, Ebgali Kind, de la zone Kivumu, et Ngendakumana Aster, fils d'Obunyegeri de la zone Murambo. Pour Burambi, Niongabo Deogracias, alias Kome, Dogishiha, Nachonaigize Eric, alias Kagame, Doga Konkobona, Niunge Koprote et Ndouar Mungu Mark, un enseignant de l'école primaire, Dokiri. Pour Matana, deux retraités de l'armée, Jean-Marie Ndaisenga, alias Chotsi, et le surnommé Kabulimbi. Pour Lumonge, un surnommé Yuda, retraité de l'armée, et un surnommé Juma et Kanore Charles, tous de la zone Minago. Le ministère de la Sécurité publique voudrait tranquilliser et rassurer la population en l'informant que seuls ces quelques criminels identifiés, encore en liberté et si haut cité, ainsi que les coauteurs et complices, seront recherchés et visés par des actions futures de la quadrilogie dans le seul but de permettre à la population de vaquer librement à ses activités. Le ministère de la Sécurité publique demande aux élèves et écoliers de continuer à étudier tranquillement et de ne pas prêter oreille attentive à ceux qui veulent les incriminer collectivement. C'était le porte-parole de la police, Pierre Ngourikiye. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques a adressé une correspondance au médiateur dans la crise burundaise, Benjamin Mkapa, pour lui faire part de ses inquiétudes sur le fait que le dialogue organisé par la CNDI risque de dénaturer le dialogue inclusif entamé à Arusha. Gabriel Ruffili, président de l'OLUCOM, explique ici le fondement de leurs inquiétudes sur la volonté affichée du parti CNDD-FDD de s'éterniser au pouvoir. Dans cette correspondance, nous exprimons vivement nos inquiétudes par rapport au dialogue inter-burundais organisé au niveau interne, où donc les militants du parti CNDD-FDD et ses alliés, quand ils s'expriment lors de leurs échanges, ils n'hésitent pas à dire que le terme mandat soit supprimé au niveau de la Constitution, mais aussi tous les passages qui parlent de l'accord d'Arusha soit aussi supprimé. De plus, parce que vous avez entendu hier les dire des alliés du CNDD-FDD qu'ils disent que très bientôt ils vont organiser les marches manifestations pour contester le médiateur et ils vont même demander que personne ne va pas encore y aller à Arusha, mais plutôt ils ont demandé que la CNDI puisse terminer les consultations et donner le rapport, en fait, de modifier la Constitution, si je peux le dire. Vous avez affirmé dans votre lettre que le président Pierre Nkurunziza veut devenir le sixième roi du Burundi. C'est comme ça que vous l'avez libéré dans cette correspondance que vous avez adressée au médiateur burundais. Est-ce que ce n'est pas une affirmation gratuite? Est-ce que vous avez des preuves? Il y a des preuves qui ne trompent pas vraiment. Je citerai notamment donc sa photo qui a été incorporée dans le manuel d'élèves de 8e année et de 9e année, école fondamentale, mais plus précisément à 8e année, où la photo du président Nkurunziza a été mise entre deux rois, le roi Mwezi Gisabo et le roi Mwambusa Bangirichenge. Deuxièmement, je pense que vous avez entendu les propos du gouverneur de la province de Murangia, où il n'hésite pas à dire que Nkurunziza actuellement c'est lui qui est le roi du Burundi, que donc après Dieu c'est lui. Gabriel Ruffili, président de l'OLUCOM, au téléphone de Marie-Ange Nzeimana. Le nombre de grossistes dans la commercialisation du sucre qui s'approvisionnent directement à la Sosumo va être réduit. Leur liste sera affichée dans les bureaux du ministère de l'Intérieur pour que la commercialisation du sucre soit suivie de près. C'est la mesure déjà prise dans une rencontre qui réunissait à Gitega le ministre de l'Intérieur, le directeur général de la Sosumo, les gouverneurs des provinces et les administrateurs. Justement, le sucre est devenu une denrée très rare au chef-lieu de la province Karusi et même dans ses communes. Un kilogramme de sucre s'achète entre 3000 et 4000 frambois et cela d'une façon discrète, comme si cette denrée n'est plus accessible aux ménages. Au niveau du cabinet du gouverneur, l'on indique que la quantité qui était destinée à la province de Karusi a été revue à la baisse. Blaise Pascal Kararoumié pour d'autres détails. Et la population et les commerçants du chef-lieu de la province Karusi conversent que le sucre est devenu une denrée plus rare, inaccessible aux ménages de Karusi. Ils affirment qu'un kilogramme de sucre s'achète actuellement entre 3 000 et 4 000 francs et que pour l'avoir, Même si on a de l'argent pour payer, il faut se cacher. Victoria Rivozimana, une dame qui est vice-présidente du comité des commerçants du chef-lieu de la province Karoussi, indique que même la plupart des représentants des commerçants de la province ne sont plus au courant de l'approvisionnement du sucre dans la province. L'administrateur communal de Ouiga indique aussi ne pas savoir les boutiques ou bien les magasins qui vendent du sucre, sans parler des commerçants qui seraient chargés d'approvisionner cette denrée dans cette commune. Une certaine opinion affirmant qu'une grande quantité de sucre destinée à la province Karoussi est détournée avant qu'elle n'arrive dans cette province. Au cabinet du gouverneur, on dit que la quantité de sucre destinée à la province a été revue en baisse. Le conseiller économique du gouverneur projette que la solution sera trouvée dans une réunion que le ministre de l'Intérieur est en train de tenir à l'intention des gouverneurs, des administrateurs communaux et des commerçants de ce sucre. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Précisons, Blaise, que dans cette rencontre avec l'État administratif de toute la province de Guitéga, le ministre de l'Intérieur a exigé que les taxes soient collectées et acheminées au trésor public pour permettre à l'État de payer ses fonctionnaires. Pascal Barandagui a reconnu que le pays ne peut plus compter que sur ses citoyens puisque l'Union européenne a suspendu son appui budgétaire au gouvernement burundais. Suivez cette correspondance d'Arthur Kavabouchi. Comme l'a dit le ministre de l'Intérieur de la formation patriotique Pascal Barandagié, le pays ne compte que sur ses citoyens depuis que l'Union européenne a suspendu son appui budgétaire au gouvernement burundais. Ce ministre a alors demandé à tous les administrateurs des 11 communes de Gitega de toujours contrôler les percepteurs d'impôts, car il y en a qui utilisent des quittances frauduleuses qui font que l'argent qui devrait entrer au trésor public diminue. Il a ordonné de mettre à la disposition de la justice quiconque fait cela. Pascal Barandagié a indiqué qu'il y a une nouvelle loi sur les taxes et impôts qui a été promulguée en vue de faciliter la collecte des impôts et taxes et diminuer le vol. Le ministre de l'Intérieur et de la Formation patriotique a fait savoir qu'une rafle de collecte des taxes a été organisée la semaine passée dans les marchés de Gitega et Ngozi. Il a souligné qu'ils ont constaté que ce qu'ils ont fait entrer au trésor public en une journée était de loin supérieur à ce que les percepteurs communaux font entrer. Il a alors demandé aux administrateurs communaux d'être vigilants car c'est cet argent dont ils utilisent pour payer les fonctionnaires de l'État. Le ministre de l'Intérieur de la Formation patriotique a parlé de la fraude. Il a mis en garde les policiers corrompus qui laissent passer les véhicules qui transportent ce genre de marchandises. Il a indiqué que si les marchandises frauduleuses sont attrapées, on les vend et on fait entrer l'argent au trésor public. Sachez que le ministre de la Bonne Gouvernance avait réuni la semaine passée à Gitega les responsables des provinces de Gitega, Karoussi, Muramvya et Mwaro pour voir ensemble l'action à mener afin d'éradiquer la corruption et la fraude. Arthur Kavabouchi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur. Économie toujours avec ces commerçants œuvrant au point de vente des greniers du Burundi situé au centre-ville de Bujumbura qui se lamentent du nombre trop élevé des usagers de cette place alors qu'elle est trop petite. Après l'interdiction du commerce ambulant par la mairie de Bujumbura, ces commerçants se sont réfugiés là-bas. Et les usagers de cette place disent que le secours serait même très difficile en cas d'accident puisque les voies sont serrées. Oban Nyonguru, reportage. Nous sommes au centre-ville de Bujumbura, à la place dite Grenier du Burundi. Les commerçants œuvrant dans cette place se lamentent du nombre trop élevé des usagers de cette place. Après l'interdiction du commerce ambulant, certains de ceux qui l'ont pratiqué s'y sont dirigés, allant jusqu'à placer leurs articles juste à l'entrée de cette place. Suivez l'un de ces commerçants. Ce sont les vendeurs ambulants qui ont été chassés de la route, qui viennent barrer les chemins de porte en y étalant leurs produits. C'est pourquoi les gens sont nombreux. Cette place étant trop serrée, en cas d'accident, le secours serait quasi impossible, estime-t-il. Ce ne serait pas facile pour moi en cas d'incendie comme ça s'est passé avant à cause de la bousculade dans les portes et les gens sont très nombreux. C'est difficile de sortir de ce marché en cas de problème vu ces portes qui n'ont même pas un mètre de largeur. Ils ne mesurent que 20 cm. C'est impossible d'y passer étant nombreux. Pour plus aérer cette place, cette commerçante trouve que d'autres voies d'entrée et de sortie devraient être mises en place. Qu'ils aménagent d'autres portes. Celles qui étaient ajoutées ne sont plus suffisantes. À part ces conditions difficiles de travail, ils disent qu'ils ont des clients, sauf quelques cas de vol à signaler. Merci Aubin, le conseiller économique du maire de la ville de Bujumbura, Kinshasa Christophe, demande aux gestionnaires de ce marché de leur donner plutôt des stands, car dit-il, ils sont encore disponibles. Quant au banditisme qui fait parler de lui dans cette place, le conseiller économique du maire appelle la police à faire son travail. Le fait que les commerçants, commerçantes qui étaient autour de l'ancien marché central pénètrent dans Grocery Store, c'est plutôt le vœu de la mairie. Parce que le Grocery Store était déjà vide, presque vide, donc on avait l'objectif de le remplir comme le marché de Kotebo. Alors, qu'ils aillent là-bas pour occuper les sentiers de Grocery Store, là ça devient autre chose et c'est punissable. Et nous allons suivre de près du commissaire du marché ou du régisseur des marchés pour enrayer ce mouvement. Quant au banditisme, nous allons faire appel aux agents de l'ordre, à la police, pour qu'elle puisse faire son travail pour endiguer ce fléau dans le marché de Grocery Store. Christophe Kinshasa, conseiller économique du maire de la ville de Bujumbura. D'autres nouvelles de Provence, le gouverneur de Bubanza appelle le forum des femmes et les comités mixtes de sécurité à s'impliquer davantage dans la lutte contre la polygamie et le concubinage. Tarsis Niyongabo l'a dit au cours d'une réunion de sécurité ce mardi, au cours de laquelle les administratifs ont déploré la situation de ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. Spes Caritas Kavanyana. Les administrateurs des communes et les chefs de colline affirment que les conflits familiaux liés au concubinage et à la polygamie deviennent de plus en plus inquiétants dans tous les coins de la province, surtout en cette période des récoltes. Au cours d'une réunion de sécurité tenue ce mardi en commune Manda, l'administrateur de cette commune a déploré le fait que certains parents encouragent et accompagnent même les jeunes filles qui abandonnent l'école pour le mariage précoce. Frédéric Tchongera, administrateur de Manda, a également souligné que 50% des gens qui se plaignent auprès de l'administration communale ont des problèmes de concubinage et de polygamie. En commune Musigati, il y aurait un homme qui a une vingtaine de femmes et plus de 70 enfants élevés chez leur mère. L'administrateur de la commune Musigati, de son côté, propose une campagne provinciale de faire sortir des ménages toutes les femmes et concubines. Et même au niveau de la justice, le président du tribunal de grande instance de Bubanza précise que parmi les affaires civiles, les conflits familiaux liés au concubinage, à la polygamie, à la recherche de la paternité ou à la recherche de la pension alimentaire occupent la deuxième place après les conflits fonciers. C'est dans ce cadre que le gouverneur de la province de Bubanza appelle le forum des femmes et le comité mixte de sécurité à s'impliquer davantage et à chasser du ménage toutes femmes concubines et en cas de résistance, des sanctions sont prévues selon Tarsis Niyongabo, gouverneur de Bubanza, Spes Caritas Kavanyana, Bubanza, Radia Isanganiro. Enfin, un pêcheur a disparu dans le lac Tanganyika l'après-midi de ce mardi à la plage de Rumonge. Il est le quatrième pêcheur disparu dans les mêmes circonstances en moins de 10 jours. Certains pensent au sacrifice au moment où le comité des pêcheurs parle plutôt de simples accidents. Correspondance de Jean-Pierre Misago. Muzunga Mitalo Ndamurenga, un jeune pêcheur congolais de 22 ans est disparu dans le lac Tanganyika, plage Rumonge, vers 15h passées de quelques minutes de ce mardi. Selon Gabriel Butoyi, président de la Fédération des pêcheurs et fournisseurs de poissons au Burundi, ce jeune pêcheur dont les parents résident dans la ville de Rumonge a échoué dans sa nage quand une pirogue à bord duquel il était avec 3 jeunes pêcheurs s'est renversée. Ces jeunes pêcheurs allaient préparer un bateau de pêche pour rentrer dans le lac le soir. Depuis le 5 juin courant, c'est le 4e pêcheur disparu dans les mêmes conditions après 2 disparus à Karonda et 1 à Kizuka. Partant, une certaine opinion pense que ce serait des sacrifices humains pour augmenter les prises de poissons. Pour Gabriel Butoyi, il s'agit là de simples accidents et demande à INSS où les pêcheurs sont affiliés de les aider à se procurer des gilets de sauvetage pour limiter les dégâts. Alors que le corps du disparu de ce mardi restait introuvable à la mi-journée de ce mercredi, celui du disparu de Karonda le matin de ce 13 juin courant a été repêché ce matin. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Ainsi se referme ce journal. Je rappelle qu'une personne a été tuée hier la nuit dans un échange de tirs entre les forces de l'ordre et des hommes armés en commune Moussaga.